Les ondes positives sur Fadjet avec Samantha. Bonjour et bienvenue dans cette 8e chronique des ondes positives. Une émission qui explore l'histoire, la science et le langage pour mieux comprendre comment nous fonctionnons et apprendre à développer nos capacités et nos ressources. Je suis Samantha Dube, sophrologue et praticienne en hypnose, et je vous propose aujourd'hui de découvrir comment fonctionne le détachement. Fadjet, les ondes positives. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Nous propose avec la plus belle des simplicités Épictète, ce célèbre penseur grec du 1er siècle de notre ère qui peut-être, sans le désirer par avance, est passé du statut d'esclave à celui de philosophe et de tête de file du mouvement stoïcisme. Être stoïque. Cette expression qui peut-être se matérialise en vous par une image, une sensation d'immobilité, regorge en réalité d'une dimension beaucoup plus riche, qui selon son principe nous permettrait d'accéder à la liberté de l'être et au bonheur. Le prénom Épictète signifie « serviteur », homme qui a été acheté par un autre. Durant de nombreuses années, Épictète fut l'esclave d'Épaphrodite, un maître à la fois cruel puisqu'il était capable de lui tordre la jambe jusqu'à ce que celle-ci casse, et à la fois indulgent puisqu'il finira par affranchir Épictète, qui pourra alors enseigner oralement sa philosophie. Lorsque son maître lui tord la jambe, Épictète lui dit, sans émotion, « Tu vas la casser ». Et quand la jambe fut cassée, il ajouta, ne te disais-je pas que tu allais la casser ? Bien qu'il est fort probable qu'Épictète ait aussi crié de douleur, il peut être intéressant de se demander à titre personnel, lorsque la vie, les événements extérieurs, agissent sur nous dans un sens contraire à notre volonté, sans que nous puissions rien y changer. Quelle est notre réaction ? Pouvons-nous réellement nous détacher de ce qui nous arrive ? Ne serait-ce pas un leurre de notre esprit ? Justement, arrêtons-nous un instant et prêtons une oreille attentive à l'écho de la voix célèbre d'un sage indien qui n'a jamais voulu être assimilé au traditionnel gourou de son temps. Cette voix, c'est celle de Yidu Krishnamurti. Les ondes positives sur Fadjet. Nous sommes les choses que nous possédons. Nous sommes ce à quoi nous tenons. Il n'y a aucune noblesse dans l'attachement. Dans l'attachement, le moi s'absorbe en lui-même, que ce soit au niveau le plus bas ou le plus élevé. L'attachement est l'illusion du moi, une tentative pour fuir le vide du moi. Les choses auxquelles nous sommes attachés, biens, personnes, idées, deviennent de la plus haute importance, car privé des multiples choses qui comblent sa vacuité, le moi n'existe pas. La peur de n'être rien incite à posséder, et la peur engendre l'illusion, l'asservissement aux conclusions. Le détachement n'existe pas, seul existe l'attachement, l'esprit invente le détachement par réaction face à la douleur de l'attachement. Vous réagissez à l'attachement en devenant détaché, vous tenez à votre femme ou à votre mari, à vos enfants, à des idées, à la tradition, à l'autorité, et ainsi de suite, et votre réaction contre cet attachement, et le détachement. L'esprit invente le détachement. Lorsque vous réagissez à l'attachement en devenant détaché, c'est que vous êtes attaché à quelque chose d'autre. En cultivant le détachement, votre esprit finit par se trouver un autre objet d'attachement. Pourtant, dans notre développement émotionnel et social, l'attachement s'avère essentiel. La recherche médicale, et notamment les neurosciences, ont pu mettre en évidence qu'à sa naissance, le bébé est programmé pour rechercher à proximité une aide, une présence adulte, pour lui assurer sa sécurité en cas de détresse ou de danger. Ce besoin persiste à la période adulte et influe sur tout un tas d'aspects de notre vie, comme par exemple la capacité régénératrice de notre sommeil. Un enfant ou un adulte qui se sent en sécurité ne verra pas l'architecture de son sommeil altérée par une forme latente de stress et se sentira beaucoup plus reposé. Les angoisses et les peurs de certaines mères viennent même jusqu'à avoir un impact sur le développement du fœtus. Si une femme enceinte stressée n'est pas sécurisée par son environnement, cela risque de provoquer des altérations cognitives chez le nouveau-né. Il faut donc s'occuper autant de la mère que du bébé qu'elle porte et met au monde. Conclusion, en sécurisant la mère, on sécurise le bébé. À travers les siècles, les hommes et les femmes qui nous ont précédés ont écrit l'histoire de l'humanité. Nos ancêtres avant nous se sont interrogés sur la meilleure manière d'être capable de se détacher. Laissez-moi vous raconter. Un petit voyage dans le temps et l'espace s'impose. Direction les montagnes enneigées du Tibet, pour découvrir la sagesse d'un moine qui a su faire preuve de détachement à bon escient. Alors qu'un guerrier ravage tous les villages par lesquels il passe avec son armée, en brûlant les maisons et en égorgeant les habitants, un moine est en méditation au sein de son temple. Le guerrier arrive au village voisin et le met à feu et à sang. Les dernières personnes encore en vie tentent de fuir par tous les moyens dans un chaos et une panique totale. La soif de sang du guerrier n'est pas assouvie et il cherche encore quelque chose à détruire. Perché en haut d'une colline, son regard furieux tombe sur un petit temple modeste et sans apanage. Le guerrier s'élance. Armé de son sabre, il fait claquer les portes du temple et sans aucune forme de respect, commence à saccager le lieu. Arrivé au fond du bâtiment, il découvre une toute petite porte entrouverte qui donne sur une pièce sobre au mur blanc. Le guerrier s'y enfonce et y découvre, assis sur un tapis de prière, un moine en pleine méditation. Le guerrier crie de toutes ses forces et brandit son sabre. Mais le moine ne bouge pas d'un millimètre, comme s'il n'avait pas remarqué la présence du guerrier. Fou de rage, ce dernier saisit alors le moine et le place sous sa lame aiguisée. Et lui dit « Tu prétends ne pas avoir peur, ne sais-tu donc pas qui je suis ? Ne sais-tu donc pas que je peux te transpercer avec ce sabre sans même cligner de l'œil ?» Et le moine ouvre alors les yeux et regarde tranquillement le guerrier en furie et lui dit « Et toi, ne sais-tu pas qui je suis ? Ne sais-tu pas que je peux me laisser transpercer par ton sabre sans même cligner de l'œil ?» N'est-ce pas le Bouddha qui disait « J'appelle sage celui qui, tout innocent qu'il est, supporte les injures et les coups avec une patience égale à sa force ?» Car il ne s'agit pas de se montrer faible ou perdant, mais de trouver cette brèche subtile de la libération de l'ego dans le conflit. Entre toi et moi, il y a un « c'est moi » qui me tourmente. Ah, enlève par ton « c'est moi », mon « c'est moi » hors d'entre nous deux, disait Alaj, prophète soufi. Tout l'enjeu serait donc d'aimer les autres, de jouir des choses qui nous entourent, sans pour autant nous lier à eux par un attachement rigide et régulé par une forme de loi du marché. Laissons le mot de la fin au philosophe Frédéric Lenoir. Il n'y a pas d'amour sans attachement, mais il nous faut aussi apprendre à cultiver l'esprit de détachement qui nous rappelle que nul être ne nous appartient, que chaque personne suit sa destinée. Fadjet, les ondes positives. Allez, petit exercice. Prenez une feuille de papier, tournez-la en mode paysage. Dans la partie de gauche, dessinez-vous en vous représentant par un petit bonhomme allumette. Faites de même dans la partie de droite avec une personne avec laquelle vous souhaiteriez couper un lien toxique, un attachement qui vous fait souffrir. Encerclez-vous tous les deux dans un cercle de lumière et de bienveillance. Puis, tracez du départ d'une partie du corps de votre bonhomme bâton une ligne, un lien, jusque vers celui de cette personne. Écrivez dessous la nature du lien dont vous souhaiteriez vous débarrasser, colère, ressentiment, incompréhension. Refaites cette étape autant de fois que nécessaire. Enfin, à votre guise, choisissez comment, matériellement, vous allez couper ces liens négatifs tout en conservant, bien évidemment, les liens positifs. Arrachez la feuille, découpez-la, Et enfin, décidez de ce que vous souhaitez faire de cette deuxième partie, de ces liens toxiques, de cet attachement négatif qui nuit à votre relation. La conserver, la jeter, la déchirer, c'est votre choix. Voilà, maintenant que nous avons cultivé notre capacité à nous détacher, il ne reste plus qu'à agir. Enfin, peut-être que pour cela, nous faudra-t-il découvrir comment avoir une parole impeccable. C'est justement le sujet de notre prochaine chronique. On se retrouve très vite, et en attendant, continuez de propager vos ondes positives.